Le directeur, par Léon Frappier. Dans quel état êtes-vous, monsieur Durand? Vous bégayez, vous tremblez. Des larmes s'échappent de vos yeux hagards. Voyons, voyons, prenez un siège à côté de moi, là, et remettez-vous. Je reconnais que la circonstance est extraordinaire, mais faut-il pour cela perdre toute énergie raisonnable? Vous étiez installé avec votre femme et vos deux enfants ici, à l'hôtel de la plage, quand je suis arrivé. On m'a placé auprès de vous, à la table des pensionnaires, et tout naturellement, nous avons lié conversation sans nous nommer et sans nous informer réciproquement de notre position sociale. Vous êtes doué d'une grande facilité de parole, monsieur Durand. Ceci n'est pas un reproche. Moi-même, je cause volontiers. Nous avons été, pendant les premiers jours, aussi bavards l'un que l'autre, au cours des repas. Mais ensuite, vous ne l'avez pas remarqué, j'ai cessé de parler, j'ai cessé de vous répondre. J'ai été votre auditeur par force. J'essayais de ne pas vous entendre, mais comment me soustraire à votre expansion à moins de me transporter à une autre table? Bref, vous, monsieur Durand, rédacteur au ministère, ignorant que j'étais votre directeur général, vous m'avez raconté tout au long les facéties surprenantes dont vous égayez l'exercice de vos fonctions. Il vous est arrivé de vous griser au bureau et de griser vos collègues. Vous ne dédaignez pas de jouer aux cartes les affaires à traiter. Vous jouez, par exemple, un mémoire au conseil supérieur contre un rapport à l'inspection. Le perdant bâcle les deux projets. Voici enfin votre coup le plus abracadabrant. Juste de vos propres termes. Tout récemment, tandis qu'une mission officielle me retenait loin de Paris, vous êtes entré dans mon cabinet. Vous avez pris dans un placard ma redingote ornée de la décoration. Vous l'avez revêtue. Vous vous êtes installé à mon bureau et vous avez donné audience. On a introduit une pauvre vieille femme, vêtue misérablement, tremblante, effarée. Vous l'avez reçue avec une simulation d'égard parfaite. Quittant votre siège, vous avez fait des pas au-devant d'elle et présenté un fauteuil. « Veuillez prendre la peine, madame. » Et votre discours s'est accordé avec un tel préambule. « Que désirez-vous, madame ? » ?»« Notre meilleur dévouement vous est acquis. » »« Est-il possible ? Vous êtes souffrante, sans ressources, sans appui. Personne au monde ne s'intéresse à vous. » »« Alors, madame, vous avez ici tous les droits. Notre organisation est faite spécialement pour vous, la faible, la déshéritée. Nous n'avons d'autre raison d'être que de réparer humblement l'iniquité dont vous pâtissez. Nous ne sommes que le pouvoir administratif et vous êtes la détresse humaine. » La pauvre femme, chargée en qualité de grand-mère d'élever ses petits-enfants orphelins, en arrivait, par faiblesse maladive, à ne plus pouvoir exercer son métier de marchande ambulante. Il demandait une autorisation de stationnement à peu près impossible à donner. Aussitôt poussant au bout votre rôle d'emprunt, vous avez attaqué les difficultés. Vous avez couru de bureau en bureau, de service en service, de direction en direction. Vous avez insisté, bataillé, puis vous avez agi effectivement et par votre décision, la chétive solliciteuse a reçu satisfaction. Voyons, monsieur Durand, mesurez-vous ce que vous avez fait? L'administration ordinaire, semble-t-il, est à la disposition des gens forts, séduisants, des hommes riches, des jolies femmes. Elle obéit aux puissants. Elle sert ceux qui commandent. Par conséquent, dirait-on, une pauvre vieille femme, n'ayant pour elle rien ni personne, représente le néant dont on ne s'occupe pas. Qu'est-ce que vous voulez administrer en faveur de l'inexistant? Alors prenez conscience de ce que vous avez fait, vous, monsieur Durand, à l'égard de la pauvre solliciteuse. Rentrez en vous-même. Appréciez ce que vous avez dit et démontré. Considérez un peu dans quelle posture vous avez campé l'administration supérieure. Vous ne comprenez pas qu'il m'est impossible, absolument impossible, de sévir contre un monsieur qui, affublé de ma redingote et de ma décoration, a secouru la pauvre vieille comme vous l'avez fait. Terminez vos vacances tranquillement, monsieur Durand. Je pars dans quelques instants. Présentez mes hommages à votre femme, avec qui j'ai eu grand plaisir à causer théâtre et musique. Dites à vos enfants que je conserverai le souvenir d'une bonne partie de pêche dans les rochers. Puis, rentrez au bureau, conduisez-vous plus décemment à l'égard des dossiers et du règlement. Mais aussi, quand de pauvres gens auront recours à votre service, Amusez-vous encore à cette parodie de le recevoir avec honneur, comme si vous étiez affublé de la renagote de votre directeur général. Et qui sait, M. Durand, dans l'avenir, sur quelques listes de promotion, le directeur à son tour vous fera peut-être la plaisanterie de prendre votre nom pour celui d'un bon employé. C'était Le Directeur, par Léon Frappier.